Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets-Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets-Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets-Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets-Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey. On va parler avec un joueur de Dolbeau-Mistassini qui joue pour les Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine. C'est Simon Tremblay. Simon qui est un joueur d'énergie, qu'on pourrait dire. Salut Simon! Salut. Simon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait un méchant à bout même de ça. Comment tu trouves ta saison avec les Marquis de Jonquière actuellement? Ah, je trouve que ça a bien commencé. Puis je m'attendais, j'avais pas vraiment d'attente pour cette saison-là parce que au début de l'année, j'avais pas parlé à personne. Puis je pensais même pas rejouer pour les Marquis. J'avais peut-être l'intention d'aller jouer dans la Ligue. Régional, justement. Là, les seigneurs du Lac-aux-Fleurs? Ouais, ouais. Ouais, j'ai commencé l'école, puis je m'étais dit que, OK, je le mettais un peu de côté. Puis finalement, les Marquis m'ont approché, ils sont arrivés avec des codes intéressants, donc j'ai décidé de continuer. Puis je pense que pour un gars qui. J'étais pas préparé, je pense que ça va bien en début de saison. Je suis un peu surpris, pareil, parce que les Marquis, l'année passée, ont connu une très bonne année, ont gagné même la Coupe. Donc, t'avais pas eu le goût de continuer, ça a disparu quoi ou Ben, c'est plus que j'ai commencé l'université puis je me suis dit que j'avais assez mis mes études de côté qui étaient passées à autre chose, mais c'est sûr que c'est un beau sideline comme on dit. Ben oui. Puis ça me permet de jouer. Encore du gros hockey, fait que c'est dur de cracher là-dessus. La différence entre Richard Martel et Benoît Gratton, c'est quoi? Je pense que c'est la compréhension, puis il y a plus d'empathie que Richard, si je peux dire, parce que Richard Martel, comme on le sait, c'est un grand coach qui a de l'expérience, tandis que Benoît, ben, c'est un gars qui a joué à game pas mal, plus qu'il était coach, donc... Ouais. C'est un peu différent, surtout pour les gars comme moi, qu'on a moins de 5 ans, on a moins de présence un peu, puis on voit qu'il y a de l'empathie, fait que okay. J'aime mieux sa façon de fonctionner, je peux dire ça comme ça. Okay. Ton rôle avec les Marquis, c'est le quatrième trio? Ben, dans le fond, on peut pas être quatre trios complets, donc c'est 11 attaquants. Puis bien souvent là, je suis soit sa troisième ou le dixième avec un top en onzième. OK. Simon, vraiment là, comment tu trouves le début de saison des Marquis? Ça a été un petit peu difficile en début d'année. Notre chroniqueur de la Ligue nord-américaine, Gilles Péloquin, lui parle un peu de que c'est un petit peu normal que l'équipe quand t'as gagné, répéter une deuxième année consécutive, c'est difficile. Est-ce que tu trouves qu'après les fêtes, on a même dit que je parlais avec Marc Beaumont en début de saison qui disait le calendrier ne nous a pas favorisé en début d'année. Tu trouves-tu qu'après les fêtes, les Marquis vont revenir à l'équipe qu'ils auraient dû être et retourner? Ouais, c'est sûr qu'en début de saison, on a parti lentement. Puis je pense qu'il y a des suspensions aussi en début, ça a pas aidé. Puis nouveau coach, tout, c'est. Pour les gars, c'est différent. Ben oui, ça fait différent d'avoir un joueur en arrière du banc. Il y a un petit ajustement à faire. Puis je pense que dans les derniers matchs, là, on est sur une bonne séquence. Puis honnêtement, quand je regarde par en avant, je vois pas comment ça pourrait être différent que l'an passé. OK. Simon, dis-moi, Philippe Paradis, comment tu trouves ça? Avec un autre gars du Haut-du-Lac qui est avec toi, Philippe? Ouais, c'est le fun. Je le connaissais pas vraiment. Puis quand il est arrivé, j'étais bien content d'avoir un autre gars du lac. Puis on a parlé ensemble. Puis j'ai vraiment appris à le connaître. C'est un vraiment bon gars. T'sais, je le connaissais en tant que joueur, mais à la personne, je le connaissais pas. Puis okay. Vraiment agréable de le côtoyer. OK. Simon, est-ce que tu penses, parce que moi, je dis que les Saguenayens sont venus jouer des matchs sur concours à Delbault-Mistassini et à Robertval. C'est un grand, grand succès. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, au cours des prochaines années, un match hors concours de la Ligue nord-américaine, soit Delbault, soit Saint-Félicien. Penses-tu qu'on serait capable de remplir l'aréna avec un match des Marquis? C'est sûr que oui, c'est sûr qu'on serait capable. Même, on voit les seniors régionales qui remplissent pas mal. Ouais. Ils remplissent quand même assez bien. Puis le petit hic, je trouve que c'est pour les autres équipes que ça serait tannant un peu. Là, mais comme on le sait... Les équipes, là, en ce moment, c'est dur. Je sais qu'on était allé jouer une game à Matane, nous, l'an passé, puis c'est même les joueurs, ça ne tentait pas trop d'aller jouer à Matane. C'est plate pour des gars de Montréal de dire, on va jouer dans le fin fond du lac. C'est comprenable okay. aussi, mais c'est pour des gars comme nous du lac, ça serait vraiment fun, c'est sûr. Mais, on comprend que c'est dur de réaliser, là. OK. Simon, t'as parlé de la Ligue du lac au fleuve. T'as l'air d'avoir un intérêt pour ça? Ouais, c'est sûr qu'en début de saison, si il rentrait pas le règlement d'un match à l'MRH puis tu peux plus jouer, j'aurais amorcé la saison avec l'équipe de Delbault, mais okay. On a essayé de le faire changer puis les autres équipes ils ont rien pu savoir. Donc, peur d'être blessé, quoi? C'est pas pourquoi hein qu'on veut pas? Ben, ils trouvent que c'est les gars qui arriveraient de la Ligue nord-américaine, ça serait serait trop fort, mais je comprends pas. T'sais, c'est pas à cause que je m'en vais jouer quelques matchs avec les Marquis puis que je fais une dizaine de présences par game que je vais arriver puis je vais être meilleur à contre eux. Si j'avais décidé de jouer là, j'aurais joué là puis j'aurais été le même joueur. Ça, même que j'aurais été meilleur avec la confiance que j'aurais eu parce que quand on me fait confiance, je suis en confiance, je suis très confiant, le moins. OK. Simon, ça va peut-être changer au cours des prochaines années parce que, tu sais, il y a des joueurs quand même qui. Tiens, on a toujours de la misère à se trouver des joueurs quelque part. Parle-moi maintenant du côté des études. En quoi tu es cette année à l'université? J'étudie en administration à l'Université de Chicoutimi. OK, c'est ta première année, c'est ça? Ouais, première session, j'ai commencé. Là. L'an passé, j'allais pas à l'école, je travaillais en même temps que je jouais avec les Marquis, puis j'ai décidé d'aller à l'école pour avoir de quoi en main là, plus tard. Ouais, comment tu trouves ça de retourner à l'école après plusieurs années? Ça ne doit pas être facile au début, hein? Ah, c'est sûr que c'est dur. Puis, tu sais, si je peux dire ça comme ça, dans ma tête à moi, j'avais arrêté l'école depuis le secondaire 5. Parce que quand on est junior, là, même si on va au cégep, ouais, on est là, on est assis là, mais on n'est pas vraiment là mentalement, ah ouais. Si on peut dire. Là, c'est vraiment pas un affaire, tandis que là, j'y retourne de mon gré, donc c'est sûr que c'est différent. Puis, je me dis que si je mets les efforts que j'ai mis au hockey, que si je les mets dans mes études, ça va bien aller. OK. Ben, Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances avec les Marquis. On tue sur le sommaire, puis au plaisir de se parler. Peut-être que les Marquis, en finale, on va avoir l'occasion de se parler pour parler un peu de l'équipe. Parfait, merci beaucoup. De Delbault-Mistassini, Simon Tremblay.